femme se courait, mais nous casse les poulets. Tout le monde est bourré, ça fait le signe qu'elle voulait. Oh les gars, faut que vous courez, ils nous gazent les poulets. Tout le monde il est bourré, ça fait le signe qu'à gouler. Et j'en crois pas mes yeux, dans ma tête je fais des vœux. Et je regarde vers les yeux, je remercie le bon Dieu. Et rien que ça passe, je fais des albums sans farce. Je suis pas ton assas, je suis pas ton assas. J'ai pas fini de tout casser, je sais que beaucoup voudront ma place. Claque pas tout, faut tasser. Si tu veux finir bourraga, elle veut une gourate, alors je prends le scout, on y va, eh. On s'attache et on s'empoisonne comme Christophe Mahé. Si tu savais par où je suis passé, j'en ai sous la roue, moi, eh. Je regarde pas trop le passé, encore moins ce qu'ils m'ont laissé, ouais. Oh les gars, faut que vous courez, ils nous gazent les poulets. Tout le monde il est bourré, ça fait le signe qu'à gouler. Oh les gars, faut que vous courez, ils nous gazent les poulets. Tout le monde il est bourré, ça fait le signe qu'à gouler. Ça fume la moula qui tourne, ça fait que chicher. Alcoolisé, ça pense mal, ça veut se faire un guichet. Tu m'as trahi, je suis blessé comme Djibril Cissé. Avec tout ce que j'ai entendu sur moi, j'aurais pu me guitariser. Je roule un pet dans la cuisine, on voit plus rien avec la fumée. Je roule un pet dans la cuisine, on voit plus rien avec la fumée. Oh les gars, faut que vous courez, ils nous gazent les poulets. Tout le monde il est bourré, ça fait le signe qu'à gouler. Oh les gars, faut que vous courez, ils nous gazent les poulets. Tout le monde il est bourré,